Sainte Bible selon saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 26. Mais le tabernacle, c'est ainsi que tu le feras. Tu feras 10 rideaux, de fin lin retors, d'hyacinthe, de pourpre et d'écarlate, de foisteinte, parsemés en ouvrage de broderie. La longueur d'un rideau aura 28 coudées. La largeur sera de 4 coudées. Tous les rideaux seront faits d'une seule mesure. 5 rideaux seront joints ensemble l'un à l'autre, et les autres 5 seront attachés de la même manière. Tu feras de petits lacs d'hyacinthe aux côtés et aux sommités des rideaux, afin qu'ils puissent s'unir l'un à l'autre. Un rideau aura 50 petits lacs de chaque côté, disposés de telle sorte qu'un lac vienne contre un lac, et que l'un puisse s'ajuster à l'autre. Tu feras aussi 50 anneaux d'or, par lesquels les voiles des rideaux doivent être joints, afin qu'ils se fassent un seul tabernacle. Tu feras encore 11 couvertures de poils de chèvre pour couvrir le dessus du tabernacle. La longueur d'une couverture aura 30 coudées et la largeur 4. La mesure de toutes les couvertures sera égale. Tu en joindras 5 à part et tu en uniras 6 l'une à l'autre, en sorte que tu replies la 6e couverture sur le devant du toit. Tu feras de plus 50 lacs au bord d'une couverture, afin qu'elle puisse être jointe à l'autre, et 50 lacs au bord de cette autre, afin qu'elle puisse être unie à une autre. Tu feras aussi 50 boucles d'airain, par lesquelles les lacs doivent être joints, afin que du tout ils se fassent une seule couverture. Pour ce qui sera de trop dans les couvertures que l'on disposera pour le toit, c'est-à-dire une couverture qui sera de surplus, tu couvriras avec sa moitié le derrière du tabernacle. Et 1 coudée pendra d'un côté et 1 de l'autre. Ce qui sera de surplus dans la longueur des couvertures couvrira les 2 côtés du tabernacle. Tu feras aussi au toit une autre couverture de peau de bélier teinte en rouge. Et sur celle-ci, tu mettras encore une autre couverture de peau violette. Tu feras aussi de bois de sétim les ais du tabernacle, qui se tiendront debout, qui auront chacun 10 coudées en longueur et en largeur 1 coudée et demie. Au côté d'un ais, on fera 2 emboîtements, par lesquels un ais s'enchâssera dans un autre ais. Et c'est de cette manière que tous les ais seront disposés. Il y en aura 20 du côté méridional, qui regarde le vent du midi. Pour ces ais, tu fondras 40 soubassements d'argent, de manière que 2 soubassements soient posés au-dessous de chaque ais aux 2 angles. Et aussi, au second côté du tabernacle, qui regarde l'aquilon, il y aura 20 ais, ayant 40 soubassements d'argent. 2 soubassements seront posés sous chaque ais. Et pour le côté occidental du tabernacle, tu feras 6 ais. Et encore 2 autres qui seront dressés aux angles du derrière du tabernacle. Et ils seront joints depuis le bas jusqu'en haut, et un seul joint les retiendra tous. De même pour les 2 ais qui doivent être posés aux angles, on conservera une semblable jointure. Or il y aura en tout 8 ais. Et leurs soubassements d'argent seront au nombre de 16, en comptant 2 soubassements pour un seul ais. Tu feras aussi des leviers de bois de sétim, 5 pour maintenir les ais à un côté du tabernacle et 5 autres à l'autre, et le même nombre pour le côté occidental. Et ils seront posés en travers, au milieu des ais, depuis une extrémité jusqu'à l'autre extrémité. Tu doreras aussi les ais eux-mêmes, et tu fondras, pour les y mettre, des anneaux d'or, au moyen desquels des barres maintiendront les ais, barres que tu couvriras de lames d'or. Ainsi tu dresseras le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Tu feras aussi un voile d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate 2 fois teinte, et de fin lin retors, d'un ouvrage en broderie et en tissu, avec une belle variété. Tu feras aussi un voile d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate 2 fois teinte, et de fin lin retors, d'un ouvrage en broderie et tissu avec une belle variété. Tu le suspendras à 4 colonnes de bois de sétim, lesquelles seront aussi elles-mêmes dorées et auront des chapiteaux d'or, mais des soubassements d'argent. Or c'est par des anneaux que sera attaché le voile, au-dedans duquel tu passeras l'arche du témoignage, par lequel le saint et le Saint des Saints seront divisés. Tu placeras aussi le propitiatoire sur l'arche du témoignage, dans le saint des saints, et la table en dehors du voile, et vis-à-vis de la table, le chandelier du côté méridional du tabernacle, car la table sera du côté de l'aquilon. Tu feras aussi à l'entrée du tabernacle un voile d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate de foie teinte et de fin lin retors en ouvrage de brodeur. Et tu doreras 5 colonnes de bois de sétim, auxquelles sera suspendu le voile, dont les chapiteaux seront d'or et les soubassements d'airain. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.